Bonne mère, contiens tes transports et tes rires. Le revoir au logis. Ah, tu sais le bonheur que tous nous en aurions, moi surtout, et ce fils qui nous a dû le jour. Mais comment croire un mot des récits que tu fais? Si quelqu'un vint tuer les nobles prétendants, c'est un dieu qui indignait leur audace et leur crime. Quand on les abordait, qu'on fût noble ou vilain, ils n'avaient pour tout homme au monde que mépris. C'est leur folie qui leur valut ce sort affreux. Mais loin de l'Achaïe, mon Ulysse a perdu la journée du retour, et s'est perdu lui-même. La nourrice réclée lui fit cette réponse. Quel mot s'est échappé de l'enclos de tes dents, ma fille? Il est ici, il est à son foyer, celui que tu pensais n'y voir rentrer jamais. Cœur toujours incrédule, est-ce donc une preuve assurée qu'il te faut? Cette plaie que jadis lui fit le sanglier à la blanche défense, j'en avais vu la marque en lui donnant le bain. Je voulais te le dire à toi, mais des deux mains me prenant à la gorge, il me ferma la bouche. Il avait son projet. Viens, suis-moi. Je te mets ma propre vie en gage, et si je mens, tue-moi de la pire des morts. La plus sage des femmes, Pénélope, reprit. Bonne mère, je sais ta prudence achevée, mais peux-tu déjouer les plans des éternels? Quoi qu'il en soit, allons retrouver mon enfant. Je veux voir s'ils sont morts, les seigneurs prétendants, et qui les a tués.